les matins. Je pense à quoi? Je pense à rien. Vague à l'âme dans le petit matin. Je suis ailleurs, je suis très loin. Mon ami, l'alcool est vraiment convaincant. Je me suis laissé entraîner, je ne sais plus comment. Mais pourquoi faut-il boire autant pour oublier que la vie ce n'est vraiment pas marrant? Vague à l'âme dans le petit matin, je suis encore en... Je ne suis pas...